Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. À chacun sa révolution. Si pour René Friedman, elle est sans nul doute médicale, pour moi, archéologue, elle ne peut être que néolithique. Aujourd'hui, et dans les pas du grand médecin, nous tenterons de voir si la révolution néolithique fut aussi une révolution médicale. Pour évoquer cette médecine préhistorique, mon invité ne peut être que docteur. Docteur en archéologie, bien entendu. Alain Benex, bonjour. Bonjour. Chercheur de l'UMR 71-94 du CNRS et du département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle, vos travaux portent essentiellement sur les sépultures, le comportement funéraire et symbolique durant cette période si importante pour l'histoire de l'humanité. Mais avant d'entrevoir cette médecine préhistorique, j'aimerais évoquer ce qui se déroule actuellement à Agen, un site d'exception, une ville gauloise, l'oppidum de l'Ermitage, un site où vous avez fait vos premières armes d'archéologue, Alain Benex. Ah oui, en effet, là vous rappelez de vieux souvenirs. Effectivement, j'ai fait mes premières armes au niveau de l'archéologie, on va dire institutionnelle, aux côtés de Richard Boudet, donc entre 1990 et 1994. Et à l'époque, Richard, qui entre-temps a disparu prématurément, Richard m'avait fait obtenir des vacations au CNRS et donc ça m'avait permis de l'aider dans la préparation des campagnes de fouilles, dans l'encadrement de la fouille et puis aussi lors de la préparation des rapports de fouilles. Alors, un site gaulois majeur. C'est un site très important, capital, à deux niveaux. Au niveau archéologique, tout d'abord, puisqu'il s'agit donc d'un des oppidums les plus méridionaux de la Gaule celtique. Il est situé dans une zone de carrefour, il est sur l'axe garonnais, donc à mi-chemin, grosso modo, entre l'Atlantique et la Méditerranée, aux marges de la Gaule celtique, aux marges de l'Aquitaine césarienne et aux portes de la provincia, la fameuse transalpine romaine, de Gaule transalpine romaine. Et donc, au niveau de la culture matérielle, les fouilles de l'Ermitage ont pu livrer un mobilier tout à fait intéressant qui permet de bien cerner ces populations de la fin de l'âge du fer dans cette zone de la Gaule. Alors moi j'ai souvenir de puits tout à fait extraordinaires, 14 mètres de profondeur, j'avais refusé même d'ailleurs de descendre dedans parce que je trouvais ça quand même assez risqué. Au fond, des casques gaulois, des vases que l'on appelle des œnoquets, un mobilier exceptionnel. Un mobilier exceptionnel, en effet. Donc les fouilles entre 90 et 94 avaient permis de livrer, entre autres choses, des batteries de fours de potiers, mais aussi ces fameux puits, à l'époque interprétés comme des puits à offrande. Aujourd'hui, certains chercheurs sont revenus sur cette interprétation, ils voient davantage des puits à eau, mais n'empêche que ces puits ont livré effectivement un mobilier très important. Vous rappeliez ces fameux casques. Alors, ce ne sont pas des casques gaulois, c'est encore plus intéressant, ce sont des casques tardo-républicains, ce sont des casques en bronze qui certainement équipaient les légionnaires de la fin de la République romaine. Plus de la vaisselle en bronze liée au service à vin, de la vaisselle campanienne, des amphores vinaires, Dressel 1, des sceaux, deux sceaux en particulier, deux sceaux de type celtique remarquables, avec les douelles en bois, avec les feuillages, les feuillures pardon, en bronze, des anses en fer et dont les attaches étaient des têtes de félin. Donc des pièces remarquables. Aujourd'hui, ce site de l'Ermitage est peu fouillé et il est déjà aménagé donc construit. Alors non, le site fait à peu près une soixantaine d'hectares. Hein. Il domine la ville actuelle d'Agen. Pour une grande partie du plateau, c'est encore une zone rurale. En 2004, le préfet de région a d'ailleurs classé le plateau de l'Ermitage en zone archéologique. Mais il n'empêche qu'en ce moment, effectivement, depuis l'an dernier, la ville d'Agen a demandé le classement de certaines parcelles en zone à urbaniser. Et donc, en particulier des zones à forte densité archéologique, notamment situées à l'arrière du rempart de la grande fortification gauloise. Et la procédure habituelle donc, a donné lieu à des sondages que l'INRAP a menés en janvier et février. Et ces sondages ont été positifs. On attend les rapports incessamment. Les sondages ont été positifs puisqu'ils ont permis de mettre au jour une voie et ce qui pourrait être une place publique bordée de zones artisanales. Donc, des découvertes remarquables. En tout cas, les associations locales s'en émeuvent, visiblement. Oui, localement, il y a une association qui s'appelle La Mirande, qui est présidée par Michel Couder et qui œuvre activement pour essayer de faire classer le plateau au titre des monuments historiques. Parce que naturellement, l'objectif, ça serait effectivement de faire du plateau de l'Ermitage une réserve archéologique pour les générations futures. Il ne faut pas oublier qu'en plus de son intérêt archéologique, il présente aussi un intérêt historique. L'oppidum de l'Ermitage était l'oppidum principal d'un peuple gaulois cité par César, les Nitiobroges, dont on connaît au moins deux monarques, deux rois. César nous parle d'Olovicon, qui fut ami du peuple romain, en tout cas il avait été décrété ami du peuple romain par le Sénat de Rome, et son fils Totomatus, en 52, avait rejoint la révolte de Vercingétorix. Et récemment, une chercheuse de Bordeaux, Florence Verdun, a publié un article très intéressant dans la revue Aquitania, où elle étudie une quarantaine de balles de balles de fronde en plomb, donc romaines, découvertes à un endroit précis du plateau, et parmi ces balles, quatre portent le nom de Marcus Agrippa Imperator. Donc le célèbre général romain, un des grands généraux de la Rome antique. Vous n'ignorez pas que souvent les unités romaines indiquaient le nom de leurs généraux sur les projectiles. Ou des insultes. Ou des insultes, exactement. Ah oui. Ou des insultes. Uniquement quand les gens savaient lire. Voilà. S'agissant en plus de Gaulois qui forcément ne savaient pas forcément lire le latin. En tout cas, Marcus Agrippa Imperator, grand général romain. On connaissait la campagne d'Agrippa en Aquitaine hein, qui s'est déroulée en 38 avant notre ère par deux textes assez laconiques, un d'Appien et un autre de Dion Cassius. Mais jusque-là, les historiens localisaient cette expédition plutôt en Aquitaine césarienne, plutôt vers les départements actuels des Pyrénées-Atlantiques, des Landes. Or là, visiblement, les chemins de Marcus Agrippa ont dû le conduire le long de la vallée de la Garonne et l'ont conduit à assiéger probablement l'oppidum de l'Ermitage, probablement pour mettre au pas ce peuple qui avait rompu l'alliance en 52 et puis pour s'assurer le contrôle de cette voie de communication entre la Méditerranée et l'Atlantique qui est une voie stratégique. Et vraisemblablement, c'est à la suite de ce siège de 38 que l'oppidum a été abandonné et que la ville romaine a été installé dans la plaine à l'emplacement de l'actuelle ville d'Agen. Donc dans les grandes batailles, on connaît Alésia, on connaît aussi la révolte d'Oxolodunum, l'ultime bataille où César coupa d'ailleurs 4000 mains. Il nous faut désormais évoquer l'oppidum de l'Ermitage. Espérons que ce grand site de notre histoire de France puisse être conservé, préservé pour les générations futures. Revenons à la médecine. À défaut de vivant, ce que vous explorez, vous, archéologue, c'est le monde des morts, un terrain de recherche très privilégié. Ah, il n'y a pas mieux, à mon sens, que les sépultures pour connaître une population. À travers l'étude des sépultures, on touche directement au défunt, à travers son squelette. Donc on peut avoir des informations précieuses sur les maladies qu'il a pu avoir durant sa vie, sur les conditions de son décès. L'étude du mobilier nous renseigne fortement sur parfois son statut social, sur les croyances, l'architecture de la tombe aussi permet d'avoir des informations sur le soin que l'on pouvait apporter au défunt, ou au contraire, si le défunt a été relégué dans des structures non dévolues à des fins funéraires. Donc l'étude des sépultures est très importante, de capitale, je dirais. Alain Benex, nous allons nous centrer sur le néolithique, un grand moment de notre histoire, pour ne pas dire une révolution. Le terme est resté, le terme de révolution néolithique que l'on doit à Gordon Child est resté. Tout le monde sait que le néolithique a été une période de grands bouleversements dans les modes de vie au quotidien, dans la manière d'acquérir sa nourriture. On sait aussi que le néolithique est synonyme d'une spécialisation des tâches, d'une hiérarchisation, stratification sociale. Les origines de la guerre aussi puisent ses racines dans le néolithique. Les violences de masse. Les violences de masse, exactement, des massacres de masse. Très certainement que les temps néolithiques ont aussi vu la naissance d'une forme précoce de médecine ou tout au moins d'un savoir médical avancé. Alors cette période où la sédentarisation, l'agriculture et l'élevage s'implantent, c'est aussi le temps d'une explosion démographique tout à fait extraordinaire. On ne passe plus de petits groupes de chasseurs, on passe à des vrais populations. Des vraies populations, l'apparition de terroirs, l'apparition de villages, d'habitats permanents, c'est l'origine du monde rural tel qu'on l'a connu jusque dans les années 50, avec ses modes de vie particuliers, ses rythmes saisonniers, et avec effectivement, vous le rappeliez, une augmentation substantielle de la population, donc des sépultures. On revient toujours au même point de départ. Il y a eu une multiplication des sépultures au cours de la période néolithique qui nous apporte une masse considérable d'informations, en particulier des informations d'ordre anthropologique, des restes osseux en quantité suffisamment importante pour pouvoir se rendre compte à travers ces restes osseux ben, justement ces premiers actes médicaux ou chirurgicaux. C'est aussi la première fois qu'une véritable population est en proximité avec des animaux, puisqu'ils sont domestiqués. Est-ce que l'on peut penser que ces animaux ont entraîné justement des maladies nouvelles ? Alors, c'est ce que l'on suppose, que des animaux sauvages porteurs d'un certain nombre de virus, en ayant été domestiqués, aient pu transmettre ces virus à l'homme. Et ensuite, il y a deux schémas possibles. Soit il est transmissible directement à l'homme et peut faire des ravages, soit il mute chez l'homme. On avait des exemples tout récents, hein, la grippe aviaire, notamment liée à la promiscuité avec les volatiles. Oui, mais eux, ils ont du cochon, et on sait que le cochon est aussi un vecteur de maladie. Exactement, la grippe, notamment, la grippe porcine, absolument. Mais aussi les ovins. Pendant longtemps, on a même supposé que les bovins aient pu transmettre la tuberculose. Apparemment, ça peut être un vecteur de diffusion de la tuberculose, mais elle est connue avant la domestication des bovins. Il y a des cas au paléolithique de tuberculose, mais on a des cas de tuberculose néolithique. Je pense notamment à un ganglion tuberculeux découvert par Henri Dudet dans une sépulture collective de l'Aude, qui démontre tout à fait les ravages de cette maladie. On connaît d'autres maladies infectieuses de la sorte ? Alors, pas directement. On suppose effectivement que la variole, la rougeole devait faire des dégâts considérables dans les populations. Mais c'est plus par analogie à des populations pré-industrielles, c'est-à-dire des populations qui ne connaissaient pas encore la vaccination. On parle souvent de populations pré-génériennes. C'est un terme un peu pompeux. C'est en référence à Edward Jenner, qui était le Britannique inventeur de la vaccination en 1797. Et donc, par analogie à ces populations qui ne connaissaient pas l'hygiène moderne, la vaccination, on peut en déduire que ces populations aussi anciennes connaissaient les mêmes affections. Et puis, il y a bien sûr la chirurgie, les plus exceptionnelles opérations pratiquées en France entre le 6e et le 2e millénaire avant notre ère sont sans nul doute les trépanations. Absolument. C'est à la fois spectaculaire et parfaitement réussi. Ces trépanations, donc on en connaît quelques-unes très anciennes, hein, dès le 6e millénaire. Je pense en particulier à une femme de l'abri Pendimoun à Castellar, dans les Alpes-Maritimes, qui présentait une double trépanation guérie. En Alsace aussi, au néolithique ancien, on connaît un homme aussi qui a survécu à une double trépanation. Quelles pourraient être les causes justement de ces interventions chirurgicales ? Alors, c'est très discuté, c'est très débattu. Hein. Les causes principales pourraient être une volonté de guérir ou tout au moins d'atténuer des douleurs, des vertiges, des crises d'épilepsie, des céphalées. Et en pratiquant l'ouverture de la boîte crânienne, on permettait ainsi, surpression du cerveau. Voilà, on atténuait la pression de la masse cérébrale et ça pouvait atténuer ces douleurs, ces vertiges, des troubles oculaires aussi. Mais là aussi, c'est par analogie avec les pratiques de trépanation connues au 19e siècle. Vous savez qu'au 19e, c'était très répandu. On soignait d'ailleurs beaucoup de maladies du cerveau par la trépanation. D'ailleurs, le terme trépanation vient du trépan, hein, l'instrument qui permettait d'ouvrir le crâne. Et au 19e siècle, on a beaucoup trépané. Donc, par comparaison avec l'utilisation de la trépanation au 19e, on peut supposer que c'était probablement pour les mêmes raisons que l'on trépanait au néolithique. Et à défaut de trépan, comment opère-t-on ? Comment c'est pratiqué ? Ah, alors là, c'est beaucoup plus rude hein, qu'au 19e siècle. D'abord, il fallait pouvoir enlever le cuir chevelu. Donc, il fallait pouvoir écorcher en fait, le crâne de l'individu en prenant quand même des points de repère pour ne pas sectionner des vaisseaux sanguins importants. Et ensuite, il y avait trois méthodes possibles pour ouvrir le crâne. La première méthode consistait en fait à creuser une rainure qui permettait de circonscrire un volet elliptique ou circulaire. Et ensuite, avec un raclage minutieux à l'aide d'un racloir en silex, on enlevait le périoste de l'os pour obtenir petit à petit une ouverture dans la boîte crânienne. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, à l'aide d'une petite meule et par un mouvement de va-et-vient, on pouvait élimer en fait, l'os sur une surface assez importante et ainsi obtenir au centre de cette surface une perforation de la boîte crânienne. Et la troisième technique, c'était tout simplement en emmanchant un outil de silex acérée, et en s'en servant comme d'une vrille, on pouvait ainsi, par térébration, perforer la boîte crânienne. Alors, il faut rappeler que quand on sort un éclat de silex de son rognon, il est encore stérile avant de tomber par terre. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de risque d'infection. Très bien, en tout cas, normalement. Ça coupe très très bien, et il n'y a pas a priori de risque, au départ en tout cas, d'infection. L'infection peut venir ensuite. Effectivement. Mais il faut savoir que ces trépanations étaient généralement réussies avec succès. Je pense à une étude qui avait été menée dans la région des Grands Causses par Jean-Yves Boutin et Daniel André sur 130 crânes trépanés provenant des sépultures collectives de cette région. Ils en ont déduit que 70% avaient survécu à l'opération, ce qui est considérable. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Alain Benex que vous êtes archéologue, néolithicien et œuvré dans une UMR du CNRS et du département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. À défaut de coups sur la tête, peut-on envisager une anesthésie ? Alors, on ne peut que supposer. Naturellement, c'était des opérations qui devaient être terriblement douloureuses. Et on ne peut supposer que... on n'a pas d'informations sur la pharmacopée néolithique. Mais probablement que des plantes, comme la belladone, comme la datura, même s'il y a débat entre les botanistes et les historiens à propos de la datura, savoir si elle était introduite depuis l'Amérique ou si elle était déjà présente en Europe, il y a un vrai débat. Mais ce type de plante a pu être utilisé pour calmer, pour leur vertu antidouleur. Mais ce ne sont que des suppositions, naturellement. Est-ce une opération souvent pratiquée ? On retrouve beaucoup de ces crânes trépanés dans les grands caveaux mégalithiques de cette période ? Alors, en proportion, non. Effectivement, la proportion est infime. En revanche, si on prend le cadre du territoire français, on a deux grandes concentrations de trépanation, mais vous venez de le rappeler, dans des régions qui sont connues pour l'abondance des sépultures collectives. Et c'est un peu mathématique. Plus vous avez de défunts, plus vous avez de chances de trouver des crânes trépanés. Ces deux régions, c'est le bassin parisien, au néolithique récent, donc seconde moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ et 3e millénaire, et les Grands Causses, c'est-à-dire le pourtour sud du Massif central, cette région donc des Grands Causses, où là aussi, au néolithique final chalcolithique, on connaît des quantités importantes de crânes trépanés. Alors, vous me disiez 70% de survie dans un cas, mais généralement, on survit donc de cette ablation d'une portion de la boîte crânienne. Oui. On a d'autres exemples On a d'autres exemples, et je le disais tout à l'heure, même des cas de double trépanation ont été réalisés avec succès. C'est-à-dire qu'ensuite, on retrouve le crâne avec les deux ouvertures, mais avec les bords cicatrisés, ce qui prouve tout à fait la survie du patient. Certaines de ces trépanations auraient pu être faites sur des défunts ? Alors, on a des cas, effectivement, il reste les 30% restants, on va dire, qui peuvent relever de deux cas de figure. Soit le patient est décédé en cours de trépanation. On a deux cas très précis, notamment venant de l'hypogée de Roex, fouillé par Jean Courtin dans le Vaucluse, où nous avons un début de trépanation qui n'a pas été abouti. Et donc, visiblement, le patient est décédé en cours d'opération. Et nous avons dans le même hypogée, nous avons un autre crâne où l'ouverture était assez importante, 8 cm de diamètre. Et on a retrouvé le volet, c'est-à-dire le bout d'os qui a été prélevé lors de l'opération. Donc, la trépanation n'a pas eu de cicatrisation, si vous voulez. Et en regardant le volet issu de cette trépanation, on s'est rendu compte qu'il y a eu un accident opératoire, c'est-à-dire que le chirurgien, c'est un bien grand mot, a certainement fait une pression un peu trop forte sur le crâne et a enfoncé le volet à l'intérieur de la masse cérébrale. Et donc là, c'est la mort assurée. Et est-ce que ces trépanations faites sur des défunts ne seraient pas tout simplement des sortes d'autopsies avant l'heure, en quelque sorte ? Probablement. Des sortes d'exercices pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, exactement. 70% des opérations ont réussi. Ça nécessite une bonne connaissance du crâne, de l'os crânien, de la masse cérébrale. Il ne faut pas oublier que le cerveau est enveloppé par la dure mère et si on touche à la dure mère, c'est la mort assurée. Il y a aussi des réseaux sanguins et donc certainement que par empirisme, ces hommes du néolithique se sont entraînés, ont observé. On a des cas, par exemple, de double trépanation où la première a cicatrisé, la seconde n'a pas cicatrisé. Il est fort probable qu'à la mort de l'individu, on soit allé un petit peu voir dans la tête pour savoir comment ça s'était résorbé. Donc probablement des cas d'autopsie, on pourrait dire. Et comment voit-on que l'individu a survécu ? Je vous dis, les parois de la perforation ont reçu un tissu cicatriciel, en fait, et parfois même le trou se résorbe. C'est-à-dire que l'os se régénère et finit par presque obturer le trou de la trépanation. Alors j'ai mis sur le site internet du Salon d'Art de France Culture une image absolument invraisemblable, une double trépanation, donc extrêmement risquée. Ah oui, extrêmement risqué. C'est un crâne qui provient du département de l'Aveyron. Effectivement, il présente donc une double trépanation pariétale, donc en conservant ce qu'on appelle un pont osseux au sommet du crâne. Et ce pont osseux, en fait, était censé protéger le sinus veineux longitudinal qui est au sommet de la masse cérébrale et qui adhère à la table interne de l'os. Et donc, ça prouve bien que nos néolithiques avaient une bonne connaissance anatomique du crâne, puisqu'ils avaient perforé de part et d'autre en laissant ce pont osseux pour protéger cette artère, en fait, et éviter la mort du patient. Un crâne qui est exposé dans un musée aujourd'hui ? Oui, au musée de Millau. On peut le voir au musée de Millau. Alors que fait-on du bout de crâne qui est prélevé ? On en fait quelque chose de cette petite rondelle qui a été extraite ? Alors on en trouve de temps en temps, on appelle ça des volets crâniens. Certains y ont vu des amulettes, on pouvait garder ça en souvenir peut-être de l'opération. Si j'ose la comparaison, ça rappelle un petit peu les opérations de l'appendicite où vous gardez le petit bout de boyau dans un petit tube avec de l'alcool. Peut-être que le patient gardait en talisman ce morceau de boîte crânienne. En tout cas, certaines opérations ont visiblement réussi. Peut-on entrevoir pour autant de véritables chirurgiens dès cette époque ? C'est-à-dire la place du spécialiste. Est-ce que d'ailleurs on a des spécialistes durant cette période néolithique ? Donc une forme de hiérarchie sociale ? Alors on a des spécialistes dans d'autres domaines. On peut penser, aux potiers, aux tailleurs de silex, aux bergers, aux paysans. Alors est-ce qu'on aurait des chirurgiens à part entière ? Le terme est anachronique, évidemment. En revanche, je reviens toujours à ce que je disais, vu les taux de réussite, on avait certainement des individus qui avaient acquis une certaine dextérité, une certaine maîtrise du geste opératoire et qui étaient capables de transmettre ce savoir à des apprentis, entre guillemets. Donc, peut-être pas des chirurgiens à part entière, mais en tout cas des individus qui étaient tout à fait capables de s'adonner à ces pratiques. En tout cas, ces premières opérations ont été repérées dès le 19e siècle par des savants archéologues et certains très célèbres. Ouais, non des moindres, oui. Je vous parlais tout à l'heure des deux régions principales, le bassin parisien et puis la région des Grands Causses. Dans le bassin parisien, c'est le baron de Bay qui avait repéré ses crânes trépanés lors de ses fouilles de sépultures collectives du bassin parisien. Et sur les Grands Causses, c'est le docteur Prunière qui avait collaboré à l'époque alors avec un grand médecin français, hein, Paul Broca, qui a publié d'ailleurs les tout premiers travaux consacrés aux trépanations préhistoriques. Alain Benec, cette opération semble émerger très tôt, vous le disiez tout à l'heure, en France, à peu près vers le 6e millénaire, mais donc dès l'arrivée des néolithiques. Mais ce que l'on voit, c'est que ces trépanations, on en trouve partout dans l'Ancien Monde. Partout, à peu près à cette époque. À peu près à cette époque, dans l'Ancien Monde. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'à la fin du néolithique, il y a une chute brutale de cette pratique. Elle disparaît. Elle disparaît pas, mais elle est encore plus minoritaire. On connaît quelques crânes trépanés au cours des âges des métaux, mais c'est sans commune mesure avec le nombre de crânes trépanés que l'on a à la fin du néolithique. Il nous faut aussi parler, il n'y a pas que les trépanations, il existe aussi de rares cas d'amputation. En effet, alors, beaucoup plus rares, puisque de mémoire, on en connaît trois. Deux qui concernent le néolithique ancien de l'Europe continentale, un en République tchèque et un autre en Allemagne. Mais par chance, nous avons un très beau cas d'amputation qui a été découvert en France en 2005 sur la commune de Butier-Boulancourt. Par Anaïk Samzin. C'est ça, exactement. Et donc il s'agissait tout simplement de la tombe d'un individu âgé qui a été retrouvé sur ce site. Alors quand je dis un individu âgé, c'était quelqu'un qui avait une quarantaine d'années. Mais pour l'époque, c'est déjà un âge canonique. L'espérance de vie au néolithique est de l'ordre de 35-40 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer ce cap, mais c'est une moyenne naturellement. Ça s'explique assez par les taux de mortalité infantile très, très importants. On estime qu'un enfant sur deux n'atteignait pas l'adolescence. Donc pour en revenir au cas de Butier-Boulancourt, donc la tombe d'un homme âgé qui souffrait d'arthrose, qui était édenté. Et à la fouille, les archéologues se sont rendus compte qu'il manquait l'avant-bras gauche et la main gauche. Donc, ça s'est suivi une batterie d'examens. Et ces examens ont démontré, enfin des examens radiologiques ou microtomographiques, ont démontré qu'il y avait des stigmates d'une très nette section de nature traumatique. Et ensuite, une cicatrisation. En fait, d'après ce que j'ai compris, il a eu un accident. Alors, le bras était quasi arraché. Voilà, le schéma. Et de fait, on a amputé l'individu, son bras gauche, voilà. qui pendouillait. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est le schéma retenu. Alors, on ne sait pas les causes de cet accident, si c'est un accident ou un acte belliqueux. Effectivement, il a eu une partie de son avant-bras arraché et qui était encore maintenu à l'humérus. Et donc, un chirurgien, appelons-le comme on veut, à l'aide d'un outil en silex, a fini de sectionner la partie du bras qui pendait. Et ça a réussi, puisque visiblement, il n'y a pas eu infection. Et l'humérus a cicatrisé, la plaie a cicatrisé. Alors, on peut penser que des plantes antiseptiques ont pu être utilisées, comme de la sauge, et que la douleur a pu être atténuée, un petit peu comme pour les trépanations, à l'aide peut-être de belladone. Mais en tout cas, l'individu a survécu. C'est ça qui est assez remarquable. Alors, ce n'est pas un individu ordinaire. Dans la tombe, on a retrouvé des objets assez intéressants, des objets que l'on qualifie souvent d'objets de prestige. Il y avait une grande lame de hache polie en schiste qui imite un petit peu les haches alpines, vous savez, en roche verte. Il y avait aussi un grand pic en silex, et à ses pieds avait été déposé un agneau ou un chevreau. Donc c'est un individu probablement d'un certain statut. Et sa survie, en tout cas, démontre qu'il a bénéficié du soutien et de la solidarité du groupe dans lequel il vivait. Parce que pour survivre à sa mutilation, à son handicap, c'est qu'il a été pris en charge par les siens. La fameuse momie des glaces trouvée dans les Alpes, Ötzi, aurait eu des tatouages éventuellement thérapeutiques. Ah oui, alors Ötzi, là, c'est une des découvertes archéologiques majeures de ces dernières décennies. On sait tout sur cet individu. Hein. Il a été examiné en long, en large, en travers. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il portait sur le corps des tatouages qui avaient été réalisés par incision et insertion de poudre de charbon végétal. Et c'est des tatouages qui ressemblent en fait à des petits traits parallèles hein, de quelques centimètres de long et qui ont été disposés par petits groupes, une quinzaine de groupes sur l'ensemble du corps, sur les lombes, aux articulations. Et la radiographie de la momie a démontré que ces tatouages en fait, correspondaient en fait, à des lésions d'arthrose. C'est-à-dire que Ötzi souffrait d'arthrose. Pas uniquement d'arthrose, il souffrait aussi d'une parasitose. Hein. Dans son intestin, on a retrouvé des vers, certainement liés à une consommation de viande mal cuite ou avariée. Et donc, l'idée était très tentante d'associer ces tatouages à ces lésions d'arthrose. Et probablement que ces tatouages avaient été réalisés dans un but thérapeutique ou prophylactique pour atténuer magique, les douleurs. Presque. Magique, oui, c'est ça, magique. Alors, ça tranche un petit peu avec le caractère un peu raisonné des trépanations, des amputations. Là, on est plutôt dans la magie, le rituel. Dans le néolithique moyen-oriental, une nécropole néolithique a révélé de nombreux squelettes atteints de spina bifida, maladie très handicapante, et qui révèle la prise en charge donc des malades par le groupe. Auriez-vous d'autres exemples de solidarité sociale de la sorte ? Alors là, de mémoire, oui. Dans le Calvados, la fouille d'une sépulture collective à Herne a permis de découvrir les restes d'un squelette, d'un nain bossu, qui était atteint de malformations particulièrement handicapantes. Et il est décédé adulte. C'est ce qui était relativement intéressant. Et cet individu, manifestement, n'a dû sa survie qu'au dévouement de sa famille et à la solidarité du groupe. Et d'ailleurs, à sa mort, il n'a pas été rejeté. Il a été enterré dans la sépulture communautaire. Alain Benex, merci beaucoup. Avec plaisir. Je signale au passage que vous avez écrit sur ce sujet dans Archaeologia, revue partenaire de notre émission. La semaine prochaine, Giulia Boeto du CNRS nous commentera cette extraordinaire découverte d'une épave en Méditerranée. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Dofar Guérid, attachée d'émission Catherine Donné. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200